C'est la jolie Lamadon. Réalité hollywoodienne, chez moi putain c'est chaud. Certains attendent que l'amour vienne, demain ou même plus tôt. Le ciel est rouge, il pleut des larmes de sang. Maman m'a dit qu'à l'époque, les gens vivaient bien plus longtemps. Réveillé dans la stupeur, un nouveau nom dans le vent. Certains diront que c'est super en pleurant à l'enterrement. Et je m'en souviens, beaucoup n'ont pas vu le printemps. J'en verse une à l'indienne de temps en temps. Every day I'm up my cry. Si jeune déjà parti, rien ne vaut la vie, pas même un cercle Yamani. De plus en plus banal, l'amour part en balade, emporte avec quelques cœurs et les conflits. Douleur et mépris, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, c'est la folie. Cone, Magnum, Spice et Wesson. Ennemi, bye bye, y'a plus personne. Pardon, que l'éternel nous pardonne. Tout ce qu'on vit, c'est pourtant, tout le monde s'étonne. 7 heures, le téléphone sonne. Pardon, madame, votre chair, votre sang est tombé sous la poudre. Que des rest in peace, si mal et si triste, ils ont des pita plitris. Give me the amap. My cry every day, every day I'm out my cry. Tout c'est bien réel, chez moi c'est bel et bien banal.